Chapitre 5e. Jamais l'Eagle County n'avait vu de juin plus radieux. D'habitude, dans cette région montagneuse, c'était une période de brusques changements. D'un froid septentrional, on passait subitement à une chaleur de plein été. Mais cette année-là, la température restait délicieusement douce et tempérée. Tous les matins, venant des collines, une forte brise soufflait jusqu'à midi, ramassant les nuages qui formaient comme d'immenses balles d'alcan inondées de lumière argentée, projetant une ombre fraîche sur les champs et les bois. Un peu avant le soir, ces nuages se dissipaient, et l'or du couchant baignait alors de ses rayons obliques le ciel pur et la vallée. C'était par un de ces après-midi que Charity Royal s'était étendue sur une hauteur, au-dessus d'une prairie ensoleillée. Son visage, caché dans l'herbe, se grisait de la chaude haleine de la terre, qui semblait courir dans ses veines. Juste en face d'elle, une branche de ronce profilait sur le ciel clair ses fleurs blanches, si frêles, et ses feuilles d'un vert bleuâtre. Un peu plus loin, une touffe de fougères se dressait parmi les herbes folles où voletait, comme une tache de soleil, un papillon jaune. C'était là tout ce qu'elle voyait. Seulement elle sentait au-dessus d'elle, autour d'elle, la douce et forte vie de la nature, la croissance des hêtres couvrant le sommet de la colline, le gonflement des cônes d'un vert pâle sur les branches des sapins, la poussée des myriades de fougères dans les interstices des rochers dévalant sur la pente, l'éclosion des rennes des prés et des iris d'eau dans les pâturages humides, tout ce bouillonnement de sève, ces bourgeons éclatants, ces calices s'ouvrant, emplissaient l'air de mille odeurs confondues. On eût dit que chaque tige, chaque feuille, chaque bouton donnait sa note dans ce concert harmonieux, suave et pénétrant, où l'arôme puissant des sapins dominait sur la senteur du thym et le parfum subtil des fougères, pour se perdre dans une odeur de terre humide pareille à la laine d'une bête géante se chauffant au soleil. Charity était là depuis longtemps, ivre de chaleur, immobile et baignée de soleil comme le talus où elle s'était couchée, quand brusquement, entre ses yeux et le papillon dansant, surgit la vision d'un gros soulier sale et usé, couvert de terre rougeâtre. « Prenez donc garde !» s'écria-t-elle, se redressant et allongeant le bras dans un geste de défense. « À quoi donc ?» demanda une voix rauque au-dessus de sa tête. « Ne marchez pas sur ces fleurs, espèce de lourdeau !» répliqua-t-elle en se relevant sur les genoux. Le pied s'arrêta, puis gauchement, vint écraser la branche. Elle leva les yeux et vit au-dessus d'elle un homme à la démarche chancelante. Il portait une barbe rare, aux poils fauves, et ses bras, à travers la chemise déchirée, montraient une peau très blanche. « Vous êtes donc aveugle, Lee Fayette ?» lui dit-elle brutalement, tandis qu'il restait planté devant elle, avec l'air d'un homme qui vient de marcher sur un nid de guêpe. Il ricana. « En tous les cas, je vous ai vu, vous. C'est même la raison qui m'a fait descendre. D'où cela ?» questionna-t-elle, se penchant pour recueillir pieusement les pétales blancs que le pied de Hayat avait fait tomber. D'un geste, il désigna les hauteurs. « Je suis en train d'abattre les arbres pour Dan Targat. » Charity, accroupie sur ses talons, le dévisageait d'un air absorbé. Certes, elle n'avait pas peur du pauvre Lee Fayette, bien qu'il vînt de la montagne, et que les jeunes filles du pays prissent quelquefois la fuite à son apparition. Parmi les gens plus sensés, il passait pour un être inoffensif. Il était une sorte de lien entre les sauvages de la montagne et les habitants civilisés des vallées, qui de temps en temps descendaient pour exécuter des travaux de bûcheron ou pour prêter son aide à un fermier quand on manquait de bras. D'ailleurs, Charity savait que, personnellement, elle n'avait rien à craindre des gens de la montagne. Leaf le lui avait dit quand elle était petite fille, un jour qu'il avait rencontré à la lisière du pré de l'avocat Royal. « Pas un là-haut qui vous toucherait s'il vous plaisait jamais d'y monter. Mais je ne crois pas que vous y montiez jamais, » avait-il ajouté, en regardant les souliers neufs de Charity et le beau ruban rouge que Mrs. Royal avait noué dans ses cheveux. « C'était vrai. » Charity n'avait jamais eu le moindre désir d'aller voir le lieu de sa naissance. Elle ne se souciait pas de rappeler qu'elle était de la montagne, et elle préférait en général qu'on ne la vît pas causer avec les Fayette. Ce jour-là, cependant, elle l'aperçut sans regret. Bien des choses s'étaient passées depuis le jour où jeune Lucius Harney avait franchi la porte du Hatchard Memorial. Elle commençait soudain à envisager la vie d'une manière toute nouvelle, et l'utilité d'être en bon terme avec les Fayette lui apparaissait pour la première fois. Curieusement, elle scrutait ce visage brûlé par le soleil et couvert de taches de rousseur, ses joues creuses, ses pâles yeux jaunes au regard vague d'un animal inoffensif. « Je me demande s'il est de ma famille, » pensa-t-elle avec un petit frisson d'écœurement. Elle l'interrogea d'un ton indifférent. La maison brune, près du marais, du côté de Porcupine, est-elle habitée? Les Fayat la considéra un instant avec surprise, puis se gratta la tête et répondit en se dandinant avec un ricanement bête. « Ce sont toujours les mêmes gens qui habitent la maison brune. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu vos parents? Ils ont le même nom que moi, » répondit évasivement. Mais Charity, le regardant bien en face, insista. « Je veux y aller un de ces jours avec le jeune homme qui habite chez nous. Il est venu ici pour dessiner les vieilles maisons du pays. » Elle hésitait à entrer dans de plus amples explications, se doutant qu'elles auraient été absolument inintelligibles pour Lee Fayad. « Ils désirent visiter la maison brune et en faire une esquisse, » poursuivit-elle. Leaf, l'air perplexe, promenait toujours ses doigts dans ses cheveux couleur de paille lavés par les pluies. Il avait oublié son habituel et machinal geste de chercher dans ses poches du tabac chiqué. « Est-ce un gars de la ville ?» finit-il par demander. « Oui, il fait des tableaux. Il s'occupe en ce moment de mettre debout une esquisse de la maison Bonheur. » Elle montrait au loin, de son bras tendu, une cheminée qu'on apercevait par-delà la pente de la prairie dévalant sous leurs pieds. « La maison Bonheur ?» répéta niaisement Leif. « Oui, vous ne comprenez pas, mais cela ne fait rien. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il doit aller chez l'Ayat dans un jour ou deux. » Leif avait l'air de plus en plus perplexe. « Bach Ayat n'est pas toujours de bonne humeur l'après-midi, » conclut-il. « Je sais, mais je ne pense pas qu'il osera me refuser l'entrée de sa maison. » Elle avait redressé la tête, regardant Ayat dans le blanc des yeux. « J'accompagnerai Mr. Harney. Vous préviendrez Bach, n'est-ce pas ? » continua-t-elle. « Les Hayat ne vous ennuieront pas. Mais pourquoi voulez-vous prendre un étranger avec vous ? Je vous ai déjà dit pourquoi. Vous n'avez qu'à prévenir Bach. » Il contempla longuement les montagnes bleuâtres à l'horizon. Puis son regard hésitant tomba sur la cheminée que l'on apercevait au bas du pré. « Il est là-bas en ce moment ? » ?»« Oui. » Il s'était remis à se balancer, les bras croisés, regardant toujours le paysage. « Eh bien, on verra. Bonjour. » finit-il par prononcer. Il remonta la pente d'un pas traînant, mais à la hauteur au-dessus de l'endroit où se trouvait Charity, il s'arrêta et se retourna pour crier. « À votre place, je n'irai pas à la maison brune un dimanche. » Puis il reprit sa marche, lente, et s'enfonça dans la forêt. Très haut, au-dessus d'elle, Charity entendait bientôt le bruit de sa hache. Elle restait étendue sur la terre chaude, pensant aux choses lointaines que la venue du bûcheron avait réveillées en elle. De ses premières années, elle ne savait rien, et aucune curiosité à ce sujet jusqu'alors n'était née en elle. Elle sentait plutôt une répugnance instinctive à explorer les coins de sa mémoire, où traînaient, par-ci par-là, certaines images à demi effacées. Cependant, tout ce qui lui était arrivé depuis ces dernières semaines l'avait profondément remuée et troublée. Elle se sentait prise pour elle-même d'un intérêt nouveau, absorbant, et cette soudaine curiosité projetait subitement sa lumière sur tout ce qui avait rapport avec son passé. Même le fait de venir de la montagne ne lui était plus indifférent. Tout ce qui, d'une façon quelconque, la touchait, était devenu pour elle vivant et animé. Même les choses dont elle était le moins fière devenaient intéressantes, puisqu'elles étaient une partie de sa propre vie. « Je me demande si Lefayette a connu ma mère, » se dit-elle, tout haut. Un frisson d'étonnement la secoua en pensant qu'une femme, qui avait été jadis jeune et souple, avec un sang vif comme celui qui courait dans ses veines, l'avait portée dans son sein et avait veillé sur ses premiers sommeils. Elle avait toujours pensé à sa mère comme à une morte devenue depuis longtemps une anonyme poignée de poussière, et elle se demandait maintenant si cette mère, jadis jeune, n'était pas vivante encore, et peut-être toute ridée et sordide, comme la pauvresse qu'elle avait quelquefois vue à la porte de la maison brune, que Lucius Harney voulait dessiner. Cette pensée la fit revenir à sa principale préoccupation. Il ne songea plus aux conjectures qu'avait fait naître l'apparition de Lee Fayad. Des spéculations concernant le passé ne pouvaient la retenir longtemps, alors que le présent était si riche, l'avenir si radieux, et que Lucius Harney était là, tout près, penché sur son album, fronçant les sourcils, calculant, mesurant, et de temps en temps rejetant sa tête en arrière avec ce sourire qui la plongeait dans l'extase et faisait rayonner le monde autour d'elle. Elle quitta sa pose alanguie et se mit debout. Juste à ce moment, elle l'aperçut qui montait la pente. Elle s'assit de nouveau pour l'attendre. Quand il dessinait, relevant les plans d'une de ses maisons comme elle les appelait, elle s'écartait le plus souvent et s'en allait courir seul dans les bois ou sur les collines. C'était un peu par timidité, et aussi à cause du sentiment qu'elle avait de son insuffisance. Elle souffrait surtout quand son compagnon, oubliant son ignorance et son inaptitude à comprendre la moindre de ses allusions, se laissait aller à monologuer sur l'art et sur la vie. Pour éviter l'embarras de l'écouter avec une figure qui trahissait son manque de compréhension, et surtout pour échapper au regard curieux des habitants des maisons devant lesquelles le jeune homme s'arrêtait tout à coup pour ouvrir son album, elle s'échappait vers quelque endroit d'où, sans être vue, elle pouvait le guetter, ou tout au moins apercevoir de loin la maison qu'il dessinait. Il ne lui avait pas déplu tout d'abord que dans North Dormer et le voisinage on sut qu'elle conduisait le cousin de Miss Hatchard à travers la campagne dans le buggy qu'elle avait loué à l'avocat Royal. Elle avait toujours tenu à l'écart les amoureux de village, sans savoir exactement si son orgueil farouche prenait source dans le sentiment de son origine suspecte ou si elle se réservait pour un plus brillant destin. Parfois, elle enviait aux autres filles leurs préoccupations sentimentales, leurs longues promenades silencieuses et les caresses gauches échangées avec les rares jeunes gens restés encore au village. Mais, si elle se représentait se frisant les cheveux ou mettant un ruban neuf à son chapeau pour Ben Fry ou l'un des fils Solas, sa fièvre juvénile tombait et elle se renfermait de nouveau dans son indifférence. Maintenant, elle savait la signification de ses incompréhensibles dédains et de ses instinctives répugnances. Elle avait compris sa propre valeur quand Lucius Harney, la regardant pour la première fois, avait perdu le fil de son discours et s'était appuyé, tout rougissant, sur le bord du bureau. Mais une autre sorte de timidité, dans ce moment même, était née en elle. C'était la terreur d'exposer au regard vulgaire les trésors sacrés de son bonheur. Il lui était indifférent que les voisins la soupçonnassent de flirter avec un jeune homme de la ville. Mais elle ne désirait pas que tout le pays sût le nombre d'heures qu'elle passait en sa compagnie pendant ces longues journées de juin. Ce que Charity craignait le plus, c'était les inévitables commentaires arrivant aux oreilles de Mr. Royal. Elle avait l'intuition que rien de ce qui la concernait n'échappait aux yeux de l'homme silencieux sous le toit duquel elle vivait. Et en dépit de la latitude que North Dormer accordait au couple d'amoureux, elle avait deviné que le jour où elle montrerait une préférence trop marquée, Mr. Royal pourrait, suivant son expression, la lui faire payer. De quelle façon, elle ne s'en doutait pas, et sa crainte était d'autant plus grande qu'elle ne pouvait la définir. Si elle avait accepté qu'un des jeunes gens du village lui fît la cour, elle aurait eu moins d'appréhension. Mr. Royal ne pouvait l'empêcher de se marier quand il lui plairait. Mais tout le monde savait que flirter avec un gars de la ville était une affaire bien différente et moins avouable. Pas un village qui n'eût à montrer une victime de cette périlleuse aventure. Aussi, la terreur qu'elle avait de l'intervention de Mr. Royal rendait-elle plus aiguë la joie des heures qu'elle passait avec le jeune homme. Cette joie s'augmentait encore de la peur d'être vue trop souvent en sa compagnie. Comme Lucius Harney approchait, elle s'agenouilla, repliant ses bras derrière sa tête, dans cette pose indolente qui était sa façon particulière d'exprimer un profond bien-être. « Vous savez, je vais vous emmener à la maison qui est au-dessous de Porcupine, » annonça-t-elle triomphante. « Quelle maison ? Ah oui ! Cette vieille masure, près du marais, habitée par des gens qui ont l'air d'être des bohémiens. C'est tout de même curieux qu'une maison ayant encore des traces de véritable architecture ait été bâtie dans un pareil endroit. Ces gens me font l'effet d'être de vrais sauvages. » « Pensez-vous qu'ils nous laisseront seulement entrer ?»« Ils feront tout ce que je leur dirai, » dit-elle avec assurance. Souriant à sa réponse, il s'étendit sur l'herbe à côté d'elle. « Tant mieux, » fit-il gaiement. « Je suis curieux de voir s'il subsiste encore à l'intérieur de la maison quelques traces de vieille boiserie. Qui donc me disait l'autre jour que ces gens venaient de la montagne ?» Charity lui lança un regard de côté. C'était la première fois qu'il parlait de la montagne autrement que comme d'un détail du paysage. Que connaissait-il à ce sujet, et que savait-il surtout des rapports qu'elle-même pouvait avoir avec cette mystérieuse région? Son cœur se mit à battre sous l'impulsion de la résistance instinctive qu'elle éprouvait toujours quand elle se croyait attaquée. « La montagne? Je n'ai pas peur de la montagne, moi. » Harney parut ne pas comprendre son air de défi. Il était couché à plat ventre sur l'herbe, arrachant des brindilles de thym et les mâchonnant entre ses lèvres. « Là-bas, au-dessus des replis des collines plus proches, la montagne profilait sa masse violacée sur le ciel embrasé par le couchant. « Il faudra absolument que je m'y rende un de ces jours, à cette fameuse montagne. « Oui, je voudrais voir, » continua-t-il d'un ton rêveur. Les battements du cœur de Charity s'apaisèrent, il se retourna pour examiner les traits de Harney. Évidemment, il n'avait pas la plus légère intention de lui faire de la peine. « Qu'y ferez-vous à la montagne ? » demanda-t-elle. « D'abord, ce doit être un endroit curieux. Il paraît qu'il y a une colonie composée de hors-la-loi qui ont fondé une petite république indépendante. Vous avez dû en entendre parler. On m'a même assuré qu'ils s'arrangeaient pour n'avoir aucun rapport avec les gens des vallées. Ils les méprisent. Ce sont de véritables sauvages, m'a-t-on dit, mais qui doivent avoir pas mal de caractère. » Charity ne saisissait pas très bien le sens des mots « avoir pas mal de caractère », mais la façon dont Harney les avait prononcés trahissait une secrète admiration qui l'étonnait. Elle sentit grandir sa curiosité. Pour la première fois, elle s'étonna de savoir si peu de choses sur la montagne. Jamais elle n'avait demandé de détails et personne ne lui en avait offert. North Dormer tenait la montagne en suspicion et manifestait son mépris plutôt par des insinuations mystérieuses que par un commentaire explicite. « Comme c'est curieux, continua-t-il, de songer que là-haut, si près, sur la craie de cette montagne que nous voyons d'ici, il y a un petit groupe d'individus qui se fichent de tout le monde. » Ces mots firent tressaillir Charity. Il semblait lui livrer la clé de ses révoltes et de ses obscurs défis, et elle se sentit impatiente d'en entendre davantage. « Je ne connais pas grand-chose sur la montagne et sur ceux qui l'habitent. Y a-t-il longtemps qu'ils sont là ? » demanda-t-elle. « Personne ne le sait exactement. On m'a dit à Creston que les premiers colons furent des cheminots employés à construire, il y a 40 ou 50 ans, le chemin de fer entre Springfield et Nettleton. Certains d'entre eux, s'étant mis à boire, eurent des démêlés avec la police et s'enfuirent. Ils se cachèrent dans la forêt. 1 ou 2 ans plus tard, le bruit se répandit qu'ils habitaient la montagne. Sans doute d'autres vagabonds les rejoignirent, et des enfants sont nés. On dit qu'ils sont maintenant un peu plus d'une centaine. Ils semblent vivre tout à fait en dehors de la civilisation. Pas de juridiction, pas d'école, pas d'église. Jamais un officier de la loi ne va là-haut s'enquérir de ce que l'on fait. On prétend que la crainte d'un mauvais coup entre pour beaucoup dans cette indifférence. Que raconte-t-on sur eux à North Dormer ? Je ne sais pas. On dit que ce sont de méchantes gens. Vraiment ? Fit-il en riant. Eh bien, nous irons les voir ensemble, voulez-vous ? Elle rougit et se tournant brusquement vers lui. Vous n'avez sans doute jamais entendu dire que moi, je viens de la montagne. On m'en a ramené quand j'étais toute petite. Vous ? Il s'était demi-relevé, la regardant avec un intérêt plus vif. Vous êtes de la montagne ? Comme c'est curieux. C'est sans doute à cause de cela que vous êtes si différente. Elle sentit la joie la baigner jusqu'au fond de l'être. Il la louait, et parce qu'elle venait de la montagne. « Suis-je si différente ? » balbutia-t-elle, feignant l'étonnement. « Oh, combien ! » Il prit sa petite main à l'aise et y mit un léger baiser. « Allons, » dit-il, « en route. » Il se leva, secoua les brins d'herbe qui s'étaient attachés à ses vêtements et s'écria. « Quelle bonne journée ! Où irons-nous demain ?